Il est 8h30, on s'en va rejoindre André Arthur. Je suis curieux de voir s'il s'est loué un policier ce matin. Ben oui, puis je vais l'amener dans le 17e arrondissement à rencontrer M. Ambiel. Ambiel? Ambiel. Ambiel est dans la merde, hein. Mais qui est Ambiel? Comment qui est Ambiel? Vous suivez pas l'actualité française, vous autres? Française, très fort peu. Vous lisez pas Le Monde? Plaît-il? Le canard en chant déchaîné aujourd'hui. Le premier ministre Jean-Pierre Raffarin vient de mettre fin aux fonctions de Dominique Ambiel, conseiller en communication, sur présentation de sa démission. Oh. Monsieur Ambiel comparaît devant la 15e chambre du tribunal de grande instance de Paris pour avoir sollicité, accepté ou obtenu en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur. Ben voyons, quoi. Ah. Ben oui, interpellé en flagrant délit, mes amis, comme il n'y en a pas à l'Hôtel du Nord, dans la nuit du 19 au 20 avril, dans le 17e arrondissement de Paris, avec une prostituée roumaine âgée de 17 ans. Monsieur Ambiel s'est ensuite attaqué les policiers. Ça, en flagrant délit, ça veut dire que tu rentres dans la chambre pendant que l'acte est en train de se faire. Ah non, parce que selon la loi française, le délit ne suppose même pas qu'il y ait eu relation sexuelle. Promesse de relation sexuelle suffit. La transaction est faite. Bossette, les menottes. OK. Vive la France! Vive la France! Triple hurra pour la France. J'ai compris! C'est drôle, hein? On gère pas ça de la même façon, ce genre de dossier-là. Non. Puis pourtant, vois-tu, c'est quand même le conseiller en communication du premier ministre. C'est quelqu'un de pesant. C'est quelqu'un dont les prostituées au Québec auraient dit... C'est un genre de ministre. Un genre de ministre, genre. Mm-hmm. J'aime pas ça me faire donner des leçons dans la France, hein, Jean. Ouais. On y prend comme on peut. Le président Bush en a parlé pendant une demi-heure aux Nations Unies, on en a vraiment parlé. C'était pas beau non plus, ça. Ouais. Le tiers d'un discours. Quoi de neuf, les amis? Moi, je... Sortie de police, 65$. Pourquoi pas? 65$ pendant une heure. Blonde, avec des beaux lévers, une bonne poitrine, un bon gun, des belles fesses. Ouais. Je prendrais une heure. À 65$, tu peux ça choisir? À 65$, moi, rien que pour rentrer dans un restaurant ou deux, là, puis aller m'asseoir. tu t'en sers comme escorte ou n'importe quoi. Non, oui, connais-tu quelqu'un ici, tu sais? Ou amène-moi, j'ai faim, amène-moi une poutine, puis fais partir les sirènes, parce que je veux pas qu'elle s'aille froide. C'est ça, amène-moi au beigne. Je les veux chauds. Ah ouais, la sirène! J'ai un genre de diarrhée, j'aimerais ça aller faire ça chez nous pour pas empester mes collègues de bureau. Y a-t-il moyen de me faire faire un aller-retour pendant la pause avec les sirènes, s'il vous plaît? Ouais. Ce genre de priorité-là, là. Oui, je veux être filmé derrière le banc des Nordiques pendant l'hymne national. Peux-tu m'amener en ambulance? Drame vécu. Drame vécu. Ah, Julie Snyder me fait tellement rire dans le journal ce matin, André, alors qu'elle avoue elle-même qu'elle aussi a déjà pris une ambulance. Je pense pas que madame... Je pense qu'elle a perdu sa carte de Mensa. Elle n'en trouvera pas de sitôt. Je pense que la Julie, là, je pense qu'on voit les méfaits du végétarisme. La seule chose que nous pouvons dire pour notre défense, c'est que dans le feu de l'action, c'est-à-dire en pleine répétition pour le gala, nous n'avons pas réfléchi à la chose et nous avons laissé aller. Attention, c'est un mensonge. Moi aussi, j'ai de la misère avec ça. Parce que lorsqu'elle a appelé Urgence Santé les a envoyés paître en leur disant que c'était illégal. Et pourtant, au lieu de se dire « Oh shit, c'est vrai, on faisait une erreur », ils ont appelé la compagnie de Saint-Eustache. Ils ont persévéré après avoir eu la connaissance de l'illégalité. Donc on est rendu à 2 ambulances et 1 véhicule policier. Là, pis ça, c'est les choses qu'on est au courant de. Pour 2 saisons de Star Academy. Ouais. Il y a des petites perles dans son texte où elle explique que finalement ça pressait l'autre fois de l'ambulance, encore une fois avec Marie-Hélène, en passant celle qui a perdu à Star Academy. L'urgence était telle que fallait passer d'une émission à une autre émission, puis là, ben fallait se rendre sur les lieux ben vite, puis ça, ben ça peut pas s'arranger avec une meilleure gestion d'horaire, une meilleure gestion de personnel. Non, ça prend un véhicule ambulancier. Ça prend avec des flasheurs. En plus, comment tu trouves le maire de Sainte-Adèle? Quel imbécile! L'idiot défend sa police d'avoir mis gratuitement un véhicule de police au service de Star Academy en disant ils n'ont pas fait d'excès de vitesse, ils n'ont pas brûlé un feu rouge. Ben voilà. Alors, pourquoi ils n'auraient pas pris un taxi? Comme tout le monde. C'est un mensonge à sa face même. Ce gars-là est maire d'une ville. Couvert de ridicule. C'est bol. Regarde, quand tes propres propos servent à te démentir, il est temps que tu fermes ta gueule. Ça va pas bien. Que penses-tu de la SAQ qui les a mis à l'amende et pas à peu près la compagnie d'ambulance privée? Un vigoureux 60$. Ils feront plus. Oui, et j'espère que la commission de la CTQ, qui est toujours prête à partir en guerre contre n'importe qui, que la CTQ, la commission des transports, va aussi s'apercevoir qu'il s'agit d'un transport illégal. Pas juste l'utilisation illégale d'une ambulance, mais transporter pour rémunération quelqu'un, quand on n'a pas une licence de taxi, ça prend une bonne excuse. Te souviens-tu, hier, je te parlais de mon ambulancier en congé qui s'arrête sur les lieux d'un accident. Ouais. Il utilise un petit gyrophare. Il prend un petit gyrophare rouge, met ça sur le véhicule. Après ça, il contacte les ambulanciers, contacte les policiers pour sécuriser les lieux, etc., etc. Première chose que les policiers font lorsqu'ils arrivent sur les lieux, lui donnent un constat d'infraction. Lui, il a reçu 250$. Il était sur les lieux d'un accident, il y avait des blessés. Quelqu'un hier envoyait un courriel disant que le policier qui intervient dans une situation comme celle-là a deux choses. Il a soit un devoir ou encore un pouvoir. Dans le cas présent, lui qui est policier, il voyait un pouvoir, mais non pas un devoir de mettre à l'amende l'individu. Il y a une marge entre les deux. Mais tu sais, le jugement court pas les rues. Non. À l'histoire de la clinique Saint-André à Rivière-des-Prairies hier, ce petit gars de 21 ans se présente avec des douleurs vives au ventre. La bitch qui est à la réception dit, t'as pas ta carte d'assurance maladie, va en chercher. Alors il est retourné chercher sa carte d'assurance maladie, mais il a été guéri miraculeusement, il est jamais revenu. OK. Quelques temps après, ses amis sont allés à la police, au poste 45, la police de Montréal, ils ont dit, on a besoin d'aide, mais il est à mort. Ah, c'est des choses qui arrivent. Ouais, il est à mort. Et je posais la question, s'il avait été le fils de Jean Charest, ou le fils du maire Tremblay à Montréal, est-ce que s'il avait été un PDM, est-ce que on l'aurait reviré, va chercher ta carte, ou si on aurait dit on va te soigner? On va s'organiser, monsieur. C'est ça, puis là, oubliez pas de nous apporter la carte au plus tôt. J'étais rendu dans le problème de l'exercice du jugement par les femmes en état d'autorité. Et ça me désespère. Écoutez. Mademoiselle, vous avez un spécial ici, un hamburger puis un coke. Mais vous offrez le petit coke, moi je vais prendre le gros puis je vais payer la différence. T'as pas faire ça. T'as pas faire ça, c'est pas que c'est un petit con. Il n'est pas un petit con, il dit con. Je trouve que c'est un phénomène qui est de plus en plus répandu. Donc, madame, sur le spécial du jour, vous offrez le steak frites, mais personnellement, j'aurais même mieux avoir du riz. Je peux payer la différence. T'as pas faire ça. J'ai entendu ça dans tellement de circonstances différentes. Pas besoin. On peut ça. Et c'est toujours les filles. Pourquoi les filles, quand on leur donne l'autorité, sont pas capables de l'exercer de façon judicieuse? Ça me désole tout le temps. Madame, j'aimerais ça pour avoir de tomates dans mon club sandwich, s'il vous plaît, puis peut-être rajouter un petit peu de bacon. Je vais demander au cuisinier. On va voir si ça peut se faire, mais je pense pas que tu l'aides dans le trio, là. Je les apporte autrement dans ça là. Moi, je dis... Je suis sûr que vous avez beaucoup d'influence ici, vous, madame. Je suis sûr que vous pouvez m'obtenir. Oh oui. Dans le sens du poète. C'est le mot défi. Hier, dans un restaurant de la région de Québec, je vois comme entrée calmar frit et palourdes frites. Mm-hmm. Un plat d'entrée qui comprend les deux. C'est deux petites portions de palourdes frites et de calmar frit avec une sauce tartare remoulade. Ouais. Et moi, j'adore ça avec une bière. J'adore ça. C'est salé. Vraiment salé. Sauf que ça arrive et soudain, j'ai la stupeur de constater que les calmars sont tels que je les attendais, et ils sont délicieux, je les mange tous, mais que les palourdes, c'est des strips. Ceux qui connaissent les palourdes savent que tu ne feras jamais des palourdes avec des strips. Non. Les strips, c'est juste la petite bande d'élastique qui sort de la palourde. C'est pas la même chose. Et ça goûte vaguement la palourde, mais il faut que ce soit lourdement pané. Tandis que la palourde, c'est la boule de chair avec de l'eau de mer un peu dedans. Et quand il pensait, j'ai l'eau à la bouche. Tu le donnes aussi. Alors, je laisse les palourdes frites parce que c'est des strips, et je mange les calmars. La jeune fille est adorable. Elle a un beau sourire. Je sais que c'est une personne de valeur, mais dans le cadre où on met les femmes au Québec, elle voit mon assiette, je lui dis, avoir su que c'était des strips, je ne l'aurais pas commandé. Je suis arrivé sur la facture comme si de rien n'était. Ah ouais? Ouais. Aucune réaction. Aucune réaction. Bon, c'est le client qui a tort. Aucun désir de satisfaire puis de te revoir. Je vais au-delà de ça et je dis, ce qui m'étonne le plus, c'est que ça, ma définition de la femme placée dans une situation de prendre des décisions face à des contraintes des instructions de l'autorité, les tapettes ont le même problème. Je suis dans un restaurant que j'encourage parce qu'il m'encourage. Je suis avec mon fils et on décide de prendre une bière avec notre repas. On commande une belle gueule rousse, une pinte chacun. Mm-hmm. Mais en fait, moi je commande une pinte, puis lui dit moi aussi, ou lui commande une pinte, moi je dis moi aussi. Ça s'en va en trottinant, ils sont à moi, ils sont à toi, ils sont à moi, ils sont à toi, tu peux rien casser, ça tient que deux verres, je pensais que la bière était à flat, tellement ça a été long. Deux petits verres de bière, deux tout petits verres de bière. OK? Là, je regarde René, je regarde le gars, je dis, on a-tu commandé des verres ou des pains? Allez, on a commandé des pains, je sais qu'on a commandé des pains. Là, le gars, là, s'il y a cinq scènes de jugement, il se dit, oh boy, je suis bon pour grossir ma vente. Mon boss va vendre deux pintes au lieu de deux petits verres. Moi, je vais avoir un pourboire sur deux gros verres plutôt que deux petits verres. Puis le client va être heureux. Tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre les bières avant qu'on y touche, de les mettre dans des plus gros verres, puis de remplir à la champlure, c'est de la draffe. OK? Ça, c'est le geste normal du gars qui est en commerce. Pour se rendre service. Je viens de grossir ma vente. Oui. Je viens de contenter un client, mais je viens de grossir ma vente, je viens de grossir mon pourboire. Tout est correct. C'est OK all the way. Il nous regarde, dit, non, vous avez commandé des vins. Puis il tourne le dos, puis il s'en va en claquant des talons. Mais t'es pas sérieux. Oui. Oh. Alors le lendemain, je rencontre le boss, j'ai dit, hey, regarde, là, toi, la tapette qui m'a servi, là, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est un manque de... je peux pas comprendre. Hey, le gars, il ne comprend pas, il dit la formation du personnel, mon chum, le restaurateur, il me pète une boule du tonnerre. Parfait. Je retourne trois jours après, le gars est encore là. Mais t'es payé pour rendre service aux gens. Tu ne rends pas service aux gens. T'es payé pour vendre, en plus. Puis il ne vend pas. Hey, on l'a pas lâché du repas. Après ça, on dit, je prendrais l'autre moitié de la pain de soupe. Imagine André et René autour de la table. Ça, j'aurais pas le goût d'être foncé. Non, on n'est pas méchants. Non. Juste qu'on est des bons clients. Ouais. Mais ils peuvent ne pas lâcher les deux. Là. Alors, mon mystère, c'est pourquoi les femmes et les tatettes, en état d'autorité, lorsqu'on leur donne un comptoir, un guichet, une fonction où ils ont des décisions à prendre, pas d'initiative. Ça devient toujours du bitchage, de l'autoritarisme, du maternage autoritaire. C'est-tu un peu le même principe que ce qu'on s'expliquait hier avec le syndicalisme, André? C'est-à-dire que tout le monde rêve d'avoir ce spot-là, et puis à un moment donné, quand on l'a, ben, on va devenir aussi désagréable que les autres? Peut-être, hein? Peut-être aussi que c'est ce que Linda Lemay a décrit dans sa fort agréable chanson « L'incompétence ». Je te dis un couplet, OK? Vas-y. La fille du restaurant n'a jamais voulu faire un petit changement à son petit menu. C'est là que tu lui répètes « Tu vas payer le surplus ». Elle est là qu'elle s'entête, qu'elle veut pas changer les frites pour mettre du riz à la place. Elle n'a pas le droit, la petite. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Alors, elle t'amène ton riz dans une assiette à part en disant, je vous l'ai mis dans une assiette à part. Alors, toi, tu t'emportes, puis tu t'ostines avec elle, tu lui dis, tiens, l'idiote, va jeter tes frites à la poubelle. Et tu sors en claquant la porte, car avoir fait ce que tu penses, on l'aurait trouvée morte, gisant dans son incompétence. C'est bien Linda Lemay. C'est tellement vrai. C'est tellement parfaitement, authentiquement vrai. Le problème des femmes à exercer quelque forme d'autorité que ce soit. Et je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on a fait à nos femmes dans leur jeunesse? Ça fait 60 ans que j'essaye de comprendre. Hein? Je suis comme tous les hommes qui, après un certain nombre d'années, dans votre cas, vous autres, 24 années, dans mon cas, 60, la gang, ça en fait plusieurs. On a tous évité les soucoupes volantes au moment du SPM. On a tous évité les crises de nerfs. Et on a tous partagé la question des Américains quand Géraldine Ferraro a voulu être vice-présidente des États-Unis. Est-ce qu'on tolère qu'une femme en PMS ait le doigt sur le piton de la bombe atomique? Puis tu sais que dans ces circonstances-là, André, on a tendance à réagir comme quelqu'un qui a tort. Quand on se fait rabrouer ou quand on se fait répondre par une serveuse désagréable, par exemple, la plupart des gens, j'ai le feeling, vont... partir la tête entre les jambes puis dire ouais, ok, puis ils vont laisser le même pourboire que d'habitude. Martin Paquette racontait qu'il s'est ostiné avec une commis d'un club vidéo parce qu'il y avait deux spéciaux, puis finalement, elle aurait dû tout simplement dire oui, pas de problème, à tel prix. Et puis lui, il s'est ostiné à l'oeil, puis et là, ses deux fils, ses deux teenagers, ils sont sortis en disant le bonhomme, il est fou, on s'en va. Avoir quelqu'un qui réclamait ses droits. Mais on n'a jamais aimé la confrontation au Québec. Moi, c'est le feeling que j'ai, puis ça se répertorie partout, même des petits gestes de la vie comme ça. Chaque fois que je m'ostine à une caisse enregistreuse, je pense pour un désagréable. Par exemple, à Bureau en Gros, il y a quelques mois, à Sainte-Foy, je stationne à l'arrière de l'édifice où il y a un escalier qui descend à mon auto qui est à l'abri en dessous du magasin. Je me présente à la caisse arrière avec un panier plein et j'attends derrière une autre personne qui a des petites choses à payer. La personne paye, j'avance, je suis avec ma fille de 10 ans qui commence à comprendre. Elle commence à peine à comprendre, OK? Et là, la jeune femme me regarde en disant « Allez en avant à l'autre caisse. » Mais pourquoi? J'ai pas le temps de vous passer. Mais vous venez de passer la dame. Elle est quand même pas arrivée avec un panier plein, elle. c'est quoi l'idée folle que t'as eue de magasiner chez Bureau? Que moi, j'achète trop, j'ai pas besoin de payer à votre caisse. J'ai dit, c'est parce que je veux me servir de l'escalier ici qui me permet de descendre à ma voiture en haut sec. Elle dit, allez par en avant, vous avez rien qu'à descendre, il y a un escalier le long de la bâtisse. J'ai dit, mademoiselle, avez-vous toujours eu un balai dans le cul, ou si c'est récent? Et là, j'entends Pascal, ma fille de 10 ans, qui s'étouffe. Il m'a avoué un mois plus tard, quand elle a eu fini de rougir de son père, que c'était un des moments les plus drôles de sa vie, que de voir la niaiseuse se faire demander si elle a toujours eu un balai dans le cul ou si c'est récent. Quelle fut sa réaction quand tu lui as demandé ça? Ah, elle a mis les yeux pleins d'eau, puis elle est allée chercher sa patronne. Oh, oui. Elle m'a donné raison, puis elle a passé mes affaires, puis mon panier plein a été payé. Puis j'en avais pour... En plus, c'est une place que j'achète pour quasiment 300 piastres par mois. Non, j'espère que la prochaine fois que tu vas aller magasiner, André, remplis pas le panier. Non, je vais en acheter moins, ça va déranger moins. Pourquoi les femmes sont placées dans des situations d'organisation, sont toujours by the book? Pas négociable. Y a-t-il quelqu'un à l'écoute qui a déjà eu affaire à une fille à l'impôt? C'est quoi le 22 cents ici, là? J'arrive pas de 14 sous, moi. Ouais, non, il manque 14 cents ici, là. C'est quoi, ça? Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait à nos femmes dans leur évolution et dans leur éducation pour les amener à être incapables d'initiative quand elles sont dans une position d'organisation? Est-ce qu'on a été si terrible? Mais nous ou leur mère? OK. OK? Est-ce qu'on a vraiment éduqué nos filles à penser qu'elles ne sont pas... qu'elles n'ont pas d'intelligence, qu'elles n'ont pas de jugement, donc elles ne peuvent pas l'exercer? Est-ce qu'on est en train de leur jouer le même tour à l'école aujourd'hui, où les filles apprennent par cœur, puis arrivent premières, puis les gars, ils essayent de comprendre, puis arrivent derniers? Puis on en revient à la déclaration de Marie-Hélène, la pauvre star académienne, qui nous dit... Je la trouve. À l'image de Jean-Pierre. Qu'est-ce que tu disais pour Stéphanie? Stéphanie qui disait qu'elle était contente de gagner, mais aussi heureuse que ce soit terminé. Puis ça? L'autre, Marie-Hélène, qui dit, ben, je comprends pas pourquoi est-ce que vous faites tout un plat avec une ambulance. Allez, on écoute nos deux copines sur le réseau Énergie, une star académienne et Mignani Gagné. Hey, c'est Émilie, je voulais qu'on attende à cette pause-ci pour parler plus près des Marie-Hélène, parce que je pense qu'on pourrait leur parler. Mais ils ont quitté. Ben oui, je pense que Marie-Hélène resterait très quoi? Quoi? C'est quoi, on va dire un secret? Il est parti en ambulance. C'est vrai? Pour que ça aille plus vite. Elle est où son show? Je sais pas où. En tout cas, il est parti, il me disait ça tantôt. Il dit, c'est drôle, il dit, je pars en ambulance. C'est tellement qu'il faut que go. Ouais. Pas de niaisage à faire, mais là, je t'arrête pas l'hélicoptère. Je m'imagine, André, la même scène l'année d'avant. Hey, tu sais pas quoi? On a fait venir la cassette vidéo de l'émission en char de police. Ah, tu sais pas quoi? J'ai amené Arthur à ma table. Il va avoir des frites au lieu d'avoir du riz. André, on s'arrête 2 minutes, on revient. Ouais. Arrêtez à l'écoute. André Arthur vous revient de l'autre côté de la fosse. CBFM 103.7, la radio qui s'explose à Québec. Quand je dis qu'une boutique tient la route, je sais de quoi je parle. Avec Fournel Bicycle, vous pédalerez longtemps. La saison commence. Faites faire une vérification en 15 points pour seulement 28$. Un vélo Norco avec cadre en aluminium à partir de 9,96$ par mois. Ou un vélo Norco avec frein à disque à partir de 14,16$ par mois. Et un cadeau parfait pour un cycliste. Un odomètre 16 fonctions à seulement 39,95$. Fournel Bicycle, première avenue Charlebourg et Saint-Vallier-Est, Québec. Là où on vend des vélos et que des vélos. La salle de bain, on y passe bien du temps. Autant en faire un endroit beau et agréable. SR Manufacture, spécialité douche de verre. Pas des douches en fibre de verre, mais des magnifiques douches en verre trempé, sur mesure, des œuvres d'art. Et pour plus de classe encore, des miroirs, des vitraux, du rangement grillagé, pour les garde-robes, sur mesure. Pour une salle de bain avec de la classe, SR Manufacture, 1200 Saint-Jean-Baptiste, ouvert sur semaine, 877-57-22. Quand vient le temps de choisir un Nissan, il y a toujours un maire qui me revient. Hey, une Nissan Sentra 2004 à seulement 179$ par mois avec un léger comptant. Capital Nissan, toujours un leader dans le marché des automobiles à Québec. Ouvert aujourd'hui. Quand vient le temps de choisir une Nissan? Dans le domaine du matériel médical, MediSelect s'impose. C'est une entreprise qui a toutes les solutions pour les besoins en équipement, en fourniture. Que ce soit le thermomètre à l'oreille, résultat instantané pour les parents à la maison, ou des gants d'examen pour se protéger, ou un masque médical, ou des compresses pour les petits bobos des enfants, MediSelect, c'est la capacité de vous fournir aussi bien pour les professionnels que pour nous. Pour de la qualité, de la fiabilité, du service après-vente, MediSelect 670 Bouvier, 623-33-53. On s'en va rejoindre André Arthur. André? Oui. Je veux saluer le journal Le Soleil de ce matin. Bonjour Soleil. Bonjour Soleil, pour une raison bien précise. Le Carrefour des lecteurs est toujours un endroit, moi, où j'aime me marier. Il y a toujours des petites perles. Toujours des. On a l'impression que le courrier n'est pas dirigé dans un sens pourquoi précis. Pourquoi eux, hein? Pourquoi eux sont publiés, puis les autres dont on reçoit copie ne le sont jamais? J'ai des gens qui ont écrit des textes extraordinaires, des auditeurs qui nous les envoient en copie conforme, puis on se dit, ben voyons, un texte aussi bien construit, qui explique si bien une opinion donnée, c'est sûr que ça va passer dans le journal, et ça ne passe jamais. Il y en a qui sont plus chanceux que d'autres, par exemple. C'est le cas de Gaston Bernier de Québec, qui a réussi à passer non pas une, mais deux de ses lettres dans un seul et même journal. Oh, wow! Il y a 6 courriers des lecteurs dans Le Soleil. Le Sierre s'est constitué de 2 emails ou de 2 courriers de Gaston Bernier. Imaginez si on regardait pour les 5 dernières années. N'oubliez pas que c'est les gens des journaux qui disent que dans les émissions à ligne ouverte, toujours les mêmes qui appellent. Hein? Ben oui. Ouais. Sauf que tu regardes les 2 textes, puis c'est 2 textes vraiment là, qu'on n'avait pas le choix. C'était des incontournables. Là. Le premier texte nous parle, c'est vraiment intéressant, des gens qui de plus en plus font passer leur liberté individuelle avant la collectivité, puis leurs petites choses, puis on est rendu une société égoïste, puis faut penser du point de vue communautaire, etc., etc. Bon texte, très bon texte, c'est sûr et certain qu'il fallait que ça passe dans le journal. Et l'autre, tout un point, André, alors qu'on dénonce le fait que Fadi Fadel a été qualifié de Canadien par nos journalistes, mais qu'on n'a jamais mentionné que c'était un Québécois, puis qu'il aurait fallu le dire aussi gros. Gaston Bernier, 2 lettres dans Le Soleil de ce matin. Charles Guité, André, qui nous a fait la moitié de son témoignage à peu près hier, qui a probablement utilisé la même façon de faire que tous les autres avant lui, c'est-à-dire pitchons le singe un peu partout, mais moi, à date, tout est clean, tout est beau. Il a ajouté des noms, par exemple. Regarde, lui, il nous a donné Paul Martin, tout bien ficelé, en train de taponner pour encourager une agence de publicité de ses amis. Regarde, il faudrait pas oublier de le remercier, M. Guité. Là. Paul Martin avait essayé de monter un château de cartes qui était très fragile, qui tenait rien que jusqu'à date avec le scandale des commandites. Hier, il a soufflé dessus. Est-ce que ça se peut que Guité, hier, par son témoignage, sondages aient retardé les élections au printemps prochain. Au printemps prochain? Oh, oui, regarde, là, ça va être la panique. Là. Oublie pas que ces gens-là, la PEG politique fonctionne à partir d'un principe fondamental. Les électeurs n'ont que 6 mois de mémoire. Donc, dans 6 mois, ça sera oublié. Mais dans 6 semaines, ça ne le sera pas. On va être toasté. Il y en a pour l'été à avoir des révélations épouvantables et scabreuses sur leur moralité épouvantable, ces gens-là. Mais il reste encore des chances de faire peut-être un budget au printemps prochain avec des grosses réductions d'impôts. Qu'est-ce qu'à faire, là? Là, au dernier budget, ils pensaient pas que c'était nécessaire de nous acheter. Mais là, ils vont essayer de nous acheter. Ça va prendre des nananes pour faire oublier le reste. Ben oui, puis des nananes, ça marche. Peux-tu changer mon petit coke pour un gros coke, s'il vous plaît? Ça marche tout le temps, ça. Un gars qui doit rire actuellement, c'est Jean Chrétien. Ben oui. Lui a fait tout le temps qu'il voulait faire. Puis Jean Pelletier, parce que oubliez pas que Jean Chrétien, il a eu connaissance de rien. Parce que t'as beau y dire de quoi, il écoute pas. Mais là, bon, regarde. Mais Jean Pelletier, là, le Machiavel canadien, lui, il en a pas manqué le choc. Lui, il doit être mort de rire. Il voit son chum Guité arriver, puis il dit, oui, oui, je rencontrais régulièrement Jean Pelletier. Ça a été bien correct, puis ça a été bien comme ça. Puis pas de Martin en plus. Puis là, bang, il swing Martin bien comme faut. J'ai trouvé ça de toute beauté. Ça a été une bonne manchette hier. Sauf que dans le cas de Charles Guité, c'en est un autre qui dit, ben moi, je n'ai pas eu connaissance de grand-chose, à mon niveau personnel. Oui, mais regarde, tu peux pas être déçu du témoignage de quelqu'un qui a été questionné par des idiots qui ont eux-mêmes des squelettes dans leur armoire. C'est, je regarde Odina Desrochers, là, qui pose des questions au nom de l'ordre public, au nom de l'intégrité politique. Là. Shit! Odina Desrochers, s'il vous plaît, please! Please! Aidez-moi dans même. Prenez des capsules de mémoire. Rappelez-vous, c'est un gars qui a un passé, ça. T'sais, le gars, il est questionné par des idiots. Je peux pas lui reprocher de pas rien dire. S'il avait été interrogé par un procureur de la commission d'une façon serrée et solide, quelqu'un qui a du staff, quelqu'un qui a fait des recherches, quelqu'un qui sait des affaires, oups, ça aurait peut-être été différent. C'est un bon point. J'aille pas ça, moi. Mais me faut reprocher à quelqu'un de pas être bon quand il s'est pas fait poser les vraies questions. Non. Maintenant, ce qui reste à voir, c'est Paul Martin. De quoi il va avoir l'air ce matin en conférence de presse? Ouais. Ça peut être drôle. Ouais. André, depuis une semaine, je regarde les montants de poursuites en général. Dans toutes les catégories de justice confondues. Entre autres, à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, on actionne la famille du pilote qui s'est écrasé contre une tour. Ça, c'est pauvre. Et pour... Non, ben, que tu dis là, toi, André? C'est pauvre. Ben, pourquoi? Parce qu'écoute, si la compagnie poursuit la famille parce qu'elle est assurée... La succession. Bon, elle poursuit la succession et ils sont assurés. S'ils sont assurés d'un million, je poursuis d'un million, c'est parfait. Ils poursuivent de deux, être assurés de un. Il y en a dans la rue. Non, non, Landry, une poursuite doit être pour la juste valeur. Ensuite, ils peuvent régler pour autre chose. Mais la poursuite initiale, elle ne peut pas être en bas de la juste valeur que tu estimes avoir perdue. OK, alors, ils règlent. On verra combien ils vont régler. Probablement qu'il y aura une ordonnance de non-publication. Mais est-ce qu'on peut s'entendre pour dire que ce gars-là, il était perdu, qu'il était dans une situation où il n'aurait jamais dû être? Brouillard, pas de GPS. Il est allé, pas de GPS, il n'était pas qualifié aux instruments. Ah oui? M. Paquette n'était pas qualifié aux instruments. Que je sache. Il y avait un petit pilote privé, il y avait une petite licence privée. Ah, puis il travaillait pour avoir sa licence professionnelle, mais à ma connaissance, il n'y avait pas le vol aux instruments. C'était pour lui une infraction d'être en vol cette journée-là. OK. D'une part, il baise une tour dont il aurait dû connaître l'existence, puis s'il n'y a pas le GPS, il y a au moins un altimètre. Ouais. Puis s'il y a un altimètre, il connaît l'altitude minimum dans sa région, il était en bas. Car c'est un gars qui a tout et tort. C'est sympathique, sa veuve. Mais lui, il a tout et tort. La veuve et les enfants, évidemment, ça fait bien pitié, mais c'est eux la succession. S'il avait donné son argent à Opération Enfant-Soleil, comme d'autres imbéciles font, c'est Opération Enfant-Soleil qui serait poursuivie. Ouais, mais ils n'ont rien, André. Comment ils n'ont rien? Mais elle n'a rien, elle. Oui, mais regarde. Pour faire face à ça, elle n'a rien. Ben oui, elle a des assurances. Ouais. Mais c'est pas une œuvre sociale, ça. Ce gars-là a commis un tort irréparable. Sauf pour 2,5 millions. Pourquoi tu penses qu'il serait à l'abri des poursuites? Qu'est-ce que c'est cette mentalité au Québec de déresponsabiliser le monde? Moi, je pense que dans la cause, il devrait faire valoir que le gars en question a été une attraction touristique pendant 5 jours qui a amené des retombées économiques à toute Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Il était dans l'exposition 4 jours en ligne. Tout le monde le prenait en photo, tout le monde zoominait avec la caméra pour voir le pied qu'il fait. Il était rendu à avoir le coup à 18 pouces. Non, mais du coup, OK, ils ont des assurances puis ils peuvent les absorber, ça marche. Mais si une compagnie est consciente qu'il y a 500 000 d'over puis que la famille n'a même pas 30 en disponibilité, maison et tout avoir inclus, alors, si tu veux volontairement mettre du monde dans la rue, il a payé. Ben, d'abord, je m'excuse, Yves, sois pas sentimental, fais pas la fille, là. Mais le reportage à TVA, il était émouvant hier. C'est un petit peu Jacques. La réalité, c'est que cet homme-là a détruit une tour de transmission en posant un geste imprudent, illégal. Comme tu l'as décrit tantôt, c'est un câble. L'altimètre, ça trompe pas. Bon, d'autant plus que le gars, il savait qu'il avait pas le droit d'être là. Puis en plus, en faisant ça, il détruit un bien qui vaut 2,5 millions. Ouais. Bon, je suis bien me dire pourquoi sa succession sera pas responsable. C'est la suite logique des choses. Ouais. Mais la madame à TVA, hier, elle faisait pitié. Ah, ben garde, ça jette des papiers. Ouais. Mais moi, ce que je retiens, André, c'est que pour la démolition et la reconstruction d'une tour, on demande 2 millions de dollars. Oh, oui. Il y en a qui ont des réputations immenses. Oh, oui, puis ça vaut bien plus. Ça vaut 3 millions de dollars. Mais sauf que là, hier, il y a peut-être une surprise au palais de justice lorsque nos avocats ont dit qu'ils préparaient une requête en arrêt de procédure, étant donné la promiscuité entre Robert Gillet et certains membres de la Cour supérieure. Ça peut devenir intéressant. Je pense que oui. C'est un beau test pour la justice. Cette cause-là, il me semble qu'il y a plein de choses à vérifier puis plein de choses à voir. On va retenir des leçons de tout ça, je pense. Et une des leçons, ça sera surtout que le public sache ce qui se passe. Des ordonnances de non-publication, j'espère qu'il n'y en aura plus jamais. Hey, là, ce qu'on avait demandé, si j'ai bien compris, André, c'est que aussitôt qu'on veut parler de Robert Gillet, faudrait envoyer ce qu'on veut dire dans un délai de 5 jours. À Robert pour qu'il l'autorise. Mais ça marche pas comme ça. Ben, regarde, ce gars-là est un animateur du FM 93 pendant des années. Peut-être que c'est de même, ça marche au FM 93. J'entendais la bonne femme avec son ébrun de co-animateur, Stéphane, qui ergotait cette semaine sur le scandale du congédiement de Louis Morissette à TVA. C'était écœurant de voir un communicateur congédié dans un média québécois par des bosses pour avoir exercé sa liberté d'expression. Et à aucun moment, le nébreux à Stéphane Gasse a eu le courage de dire que près d'eux autres, il y a un dénommé Arthur qui a perdu sa job au FM 93 pour avoir mis en cause l'intégrité de Robert Gillet. Je pense qu'il y avait moyen de soulever une ironie, là. Oui, et pourtant, Stéphane est capable de grand courage. Il a déjà ouvert l'émission en disant, Madame Bouger, vous êtes donc bien belle aujourd'hui. Ben donc, on sait que... C'est impossible. Ça prend du courage. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde. OK. Que c'est bien dit. André, passe une bonne fin de semaine. Ouais. Bye bye. Il est 9h02 à choisir.